Eh bien oui, petit peuple de mortels, votre docteur favori est de retour sur les ondes de C'est fou, et ce, en direct de sa morgue, qui se voit maintenant équipé de la toute nouvelle technologie de pointe qui se nomme électricité. Wow! J'ai d'ailleurs aussi tout repeint en rouge, c'est beaucoup moins salissant. Et pour cette première pré-automnale de réanimation, nous ferons ensemble un survol des sorties principalement death metal, qui auront retenu mon attention depuis mai dernier. Il en va de même en ce qui concerne quelques films et séries télévision. Et si vous vous joignez pour la première fois au Undead Incorporated Show, eh bien, reposez en paix. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout lorsque celui-ci se permet aussi de donner l'extrême onction. Mais avant le traitement, priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is my fucking business. We are Undead Incorporated, cause I, Pendragon, said so. Monolith Death Cult. Let's go. Well, je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette émission du retour de réanimation des Undead Incorporated Show en ce 12 septembre de l'an de disgrâce 2017. Je suis le Dr. Pain Pendragon et je vous accompagnerai métalliquement jusqu'à 21h. Plus de 3 mois d'absence pour réanimation. En fait, c'était la 3e année qu'on le faisait. On se retirait des ondes pour se déplacer la diffusion des parties des Aigles de Trois-Rivières, qui, cette année, n'ont pas eu un franc succès, dois-je dire. Plus de 3 mois, effectivement. Je crois que c'est environ 14 émissions, quelque chose du genre. Mais nous sommes de retour ce soir, et quand je dis nous, ben, c'est moi, évidemment, lui. Eh oui. Eh oui, toi aussi, on reste de retour à réanimation. Tu as été absent de Rock Classic aussi un certain temps. Mais bon. Retour pour la période automnale, hivernale et printanière, bien entendu. Nous verrons l'année prochaine, c'est encore bien loin, s'il y aura une pause. Mais nous sommes là pour plusieurs mois pour vous divertir, vous instruire, de gré ou de force. Et vous imposer nos choix musicaux, parce qu'Aura, ça fait une bonne partie de la programmation maintenant. Ce que vous venez d'entendre, c'est le premier bloc d'ouverture, bien entendu, qui se veut un peu le survol des choix qui m'ont, je devrais dire, qui nous ont, mais j'avais le dernier mot là-dessus, m'ont plu beaucoup, moyennement, ou qui ont retenu mon attention pour diverses raisons. Et ce, depuis la dernière émission de réanimation, qui, si je ne m'abuse, était le 22 mai dernier, ou quelque chose du genre, là. Elle est en date d'aujourd'hui, finalement, ou d'hier, plus précisément. Donc, à l'instant, on vient d'entendre la formation de Watford britannique, soit Sect, et un extrait de leur, je dis troisième, mais en fait, oui, c'est le troisième album complet, qui est paru le 2 juin dernier, soit The Future in Whose Eyes, et la pièce Riddles of Humanity, qui est paru sur étiquette Peaceville. C'est pas l'album que j'ai préféré, non. Par contre, il y a quelques bonnes pièces qui m'ont rendu heureux, comme celle-ci. Mais j'avoue que je préfère ce qu'ils ont fait par le passé. Mais pas très productif, Sect, parce que on parle de 3 albums, puis je fais abstraction des mini-albums, des EP, mais ils existent quand même depuis 1999, donc il y a peut-être relâche. Bref. Juste avant, nous avions une autre formation britannique, soit celle de Valenfire, un trio qui comporte 2 membres, entre autres, de Paradise Lost, qu'on va voir un peu plus tard dans l'émission. La pièce étant Degeneration, qui est tirée de leur 3e album, paru le 2 juin également, soit Fear Those Who Fear Him, qui est paru sur Century Media. C'est un bon album pour Valenfire. En fait, jusqu'à présent, les 3 albums sont tous intéressants. Faut aimer, bien sûr, le death metal, la connotation doom par moment. Et moi, je trouve qu'ils font de façon originale. Et on a ouvert ce bloc avec la formation des Pays-Bas de Monolith Death Cult et la pièce 7 Months of Mysticum, qu'on retrouve sur leur 6e album Versus, qui est paru le 5 mai. Est paru, en fait, avant que Réanimation prenne sa pause, mais j'avais probablement pas eu le temps de me le procurer et encore moins de le présenter, donc je me rattrape ce soir sous étiquette Hammerheart. Monolith Death Cult, c'est évidemment le puissant vocal de Michael Decker, qui est fort reconnaissable par cette grasseur, voilà. Ça, c'est comme ma blonde dirait, cette grasseur et cette rondeur. Qui donne dans un death metal, je dirais, à connotation électronique par moment, oui. Il s'agit d'un trio maintenant. Qui ont effectivement des influences qui sont indéniablement industrielles. Mais ça donne un mélange qui, selon moi et à mes goûts, absolument extraordinaire. C'est très, très puissant. Par contre, Versus étant très bon comme album, il ne déclasse pas jusqu'à présent l'avant-dernier Tetragrammaton, qui était paru en 2013, qui est un album qui est absolument renversant. Dans le genre, c'est vraiment très, très original et complètement décapant. Mais Versus est un album qui se défend très, très bien. Il va y avoir aussi un peu plus tard à l'émission une petite chronique au niveau du cinéma. Au niveau du cinéma, ça risque d'être très court, effectivement. Et un peu plus élaboré peut-être au niveau des séries télé que j'aurai eu le plaisir. Et je dis plaisir parce que je vais faire abstraction ce soir des trucs qui m'ont déplu parce que j'aurais passé la soirée là-dessus, donc ou à peu près. Donc je vais y aller vers les choses qui m'ont plu. Donc quelques bonnes séries, effectivement. On va poursuivre musicalement cette fois-ci avec qui donc, je sais pas trop là. Qu'est-ce qu'on pense de ça? Ben, quelle bonne idée, tiens. Elle est qu'un bloc de quatre pièces qui comprend des formations qui ont sorti un Xème album entre le 16 juin et le 23 juin. Soit Entrails, Tombs, Desultory et Broken Hope. On va débuter tout de suite avec Entrails, formation suédoise et une pièce tirée de World Inferno parue le 16 juin, soit The Soul Collector. Alright, go. Living.

89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Salut, moi c'est Alex. T'aimes le métal progressif, mais t'as pas peur de plonger dans des styles plus obscurs? Cette émission-là est pour toi. Viens me rejoindre. Matière noire, tous les dimanches, 19h. C'est un rendez-vous. Le 12 septembre prochain, voyez Sunrise and Good People ainsi que Orange O'Clock au Mardi Live du Gambrinus. Sunrise and Good People, c'est un puissant trio d'amis d'enfance qui nous fera vivre une soirée rock, tribale et électronique. Et puis, avec de fortes influences rock britanniques, le son unique de Orange O'Clock rallie les sons des trois dernières générations avec une touche de modernité bien à eux. Pour une soirée tout en musique, c'est le 12 septembre dès 21h. L'entrée est au coût de 8$ avec consommation gratuite et tout ça au Gambrinus de Trois-Rivières. Pour tous les détails, visitez gambrinus.qc.ca et la page Facebook du Gambrinus. À l'Université du Québec à Trois-Rivières, il est toujours temps de s'inscrire. Un vaste choix de programmes et de cours est encore ouvert à l'admission dans des domaines variés comme marketing, comptabilité, traduction et plusieurs autres. Vous cherchez des cours en ligne? L'Université du Québec à Trois-Rivières vous en propose près d'une centaine dans divers domaines, dont l'éducation et la biologie médicale. Pour déposer votre demande d'admission dès aujourd'hui ou pour plus de détails, visitez uqtr.ca/toujours-temps ou contactez l'équipe du recrutement étudiant à info@uqtr.ca. C'est faux, 89.1. Vous êtes toujours à l'écoute de réanimation The Undead Incorporated Show sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM à mon agréable compagnie Dr. Pin Pendragon jusqu'à 21h. On vient d'entendre la formation de Chicago, Illinois. Ça, c'est aux États-Unis, pour votre information personnelle et culture personnelle, devrais-je dire. Formation Broken Hope et la pièce The Bunker qui est tiré de leur 7e album Mutilated and Assimilated qui est paru le 23 juin dernier sous étiquette Century Media. Une formation qui donne bien sûr dans le death metal un caractère assez conservateur, doit-on dire. Une formation qui existe depuis 1988 et ils auront pris une pause une dizaine d'années, voire pratiquement 11 ans entre 2001 et 2012. Au total, ben, comme je le disais, 7 albums, ce qui est pas énorme depuis l'existence de la formation, mais c'est souvent le cas. Hein, c'est pas toujours facile sortir des albums. Juste avant, les Suédois, le Desultory, formation qui death metal, mais death and roll aussi, bien entendu, tiré de leur 5e album, Through Hacking Hyans, qui est paru sur Pulverized Record. La pièce étant Silent Rapture, qui est la première de l'album d'ouverture, leur 5e, The Zoltery. Je trouve ça intéressant aussi. Tombs, formation de New York. Pièce Cold, qui est extrait de l'album The Grand Annihilation. Le 4e album de la formation paru le 16 juin. Ah oui, en passant, The Zoltery, c'était le 23 juin également, tout comme Broken Hope. Donc, Tombs et The Grand Annihilation, c'est le 4e album paru le 16 juin sur Metal Blade. Et Tombs, ben, c'est une formation qui, étrangement, j'ai regardé, je me réfère souvent à Metal Archives parce que c'est quand même assez complet comme site, là, pour les détails, les liens, ainsi de suite. Et on le classe comme étant Black Post Metal. Je suis plus ou moins convaincu, mais bon. Mais c'est bien, effectivement. Et on a ouvert avec Entrails, formation suédoise qui en était à leur 5e album le 16 juin dernier, soit World Inferno, et également sous étiquette Metal Blade, et la pièce étant The Soul Collector. Donc, c'était le 2e bloc de ce survol estival, pour ainsi dire. Quoique, si on parle du mois de mai, c'est un peu avant l'été, mais on en a rien à foutre. 19h47, je vous parle un peu, comme je le disais tout à l'heure, du segment cinéma et séries télévisées. Parce que je vais être très honnête avec vous, chose qui arrive à peu près jamais. J'ai pas écouté énormément de nouveautés au niveau du cinéma parce que j'ai manqué de temps, oui, mais parce que je me suis plutôt contenté de réécouter des vieux trucs, beaucoup de films d'horreur et de science-fiction des années 60 et 50 dans mes moments libres. C'est plus ce que j'avais le goût d'écouter comme en frais de cinéma. Et aussi du fait que, oui, j'en ai essayé des nouveautés, mais j'ai été souvent très déçu et que j'ai pas trouvé que cet été était une manne à sortie extraordinaire au niveau du cinéma. Donc, j'ai retenu trois titres qui m'ont vraiment plu. Soit l'un des derniers que j'ai vu qui est au cinéma, soit The Hitman's Bodyguard, qui est un film d'action à connotation comédie qui met en vedette Ryan Reynolds, le très bon Deadpool, ainsi que Samuel L. Jackson. C'est un bon film original. Il y a beaucoup d'action. Samuel L. Jackson est vraiment très bon là-dedans. Il est plutôt... C'est un personnage un peu qui a beaucoup d'ironie, disons, oui. Et ça raconte un peu l'histoire du personnage de Ryan Reynolds, qui est un ancien garde du corps rapproché, qui travaille pour la CIA, et qui fait une boulette et qui se voit, ben, finalement, sa carrière dégringole jusqu'à ce qu'on lui demande de protéger, pendant un trajet jusqu'à un procès où il doit témoigner, son plus grand ennemi, qui est Samuel L. Jackson. Donc, ça fait des situations qui sont assez drôles par moment, mais c'est quand même très original, The Hitman's Bodyguard. Autre film que j'ai... en fait, j'avais pas d'attente, hein. Je l'ai écouté par curiosité initialement. Je m'en étais fait parler un peu. J'ai été très surpris de la qualité de ce film-là. C'est Alien Covenant. Film de Ridley Scott, bien sûr, qui est dans la saga des Aliens, qui est une préquelle, si on veut, et qui vient même avant Prometheus, qui était lui-même une préquelle d'Aliens. Alien Covenant, c'est un très bon film d'horreur et de science-fiction. C'était intelligemment et originalement amené et mené. Je pas littéralement en amour avec tout ce que fait comme production Ridley Scott, mais j'admets volontiers que c'est un bon cinéaste, et ici, il l'a prouvé. Donc, Alien Covenant, c'est vraiment... Non, puis non, définitivement pas. On ne voit pas Sigourney Weaver dans ce film-là, non. Mais toujours est-il que... J'ai rien contre elle, mais ça fait plus vraiment, là. Toujours est-il que... Alien Covenant, moi, je vous le recommande, si vous l'avez pas vu, c'est vraiment un très bon film. Et il n'y a pas de moment mort, finalement. Je disais tout à l'heure d'emblée que je ne ferai pas de coups de marteau ou de coups de masse sur des titres qui m'ont déplu, mais je vais le faire quand même, et c'est plus fort que moi, parce que il sortait aujourd'hui en Blu-ray et DVD. C'est la production... Je vais aller la chercher, là, à l'instant, là, pour être sûr de mon truc, là. Ben, qui met en vedette Tom Cruise et une autre jeune greluche dont je me rappelle le nom, et qui était la première parution du Dark Universe. Le Dark Universe, c'est l'espèce de maison de production de Universal Studios, qui est parallèle, si on veut, ou connexe plutôt, qui a décidé de faire compétition d'une certaine façon à tout ce qui est les productions cinématographiques de DC Comics et Marvel. On sait que c'est très prolifique au niveau des super-héros, qu'il y en a énormément. Il y en a des très bons, il y en a des moyens, il y en a des pas bons. Mais bon, c'est normal. Mais Universal se sentait en reste, donc ils ont décidé de ressusciter ce qu'étaient les Classic Monsters, c'est-à-dire ce que eux-mêmes ont créé dans les années 30-40, c'est-à-dire les Frankensteins, les Dracula, les Wolfman, Mummy, Invisible Man, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, George Back of Notre Dame, je crois aussi. En fait, bon, tous ces classiques-là que vous connaissez probablement, mais c'est pas le cas, vous êtes inculte, et de les remanier à la sauce actuelle dans un format complètement renouvelé. Ben, jusque-là, moi, ça me va parce que je suis vraiment un fan fini des monstres des studios Universal. Je collectionne même les trucs qui ont rapport avec ça. Parce que je trouve que ce sont pour la majorité de grands classiques du cinéma d'horreur, ceux qui ont ouvert la porte à bien des choses. Mais voilà qu'ici, on s'attaque, le Dark Universe s'attaque aux côtés de Tom Cruise, qui, soit dit en passant, généralement, j'ai rien contre Tom Cruise, j'ai même trouvé qu'il a fait d'excellentes choses, entre autres dans le remake de War of the World. Mais cette fois-ci, on choisit le titre de Mummy. Film qui est paru originellement en 1932 et qui était interprété principalement par Boris Karloff, celui-là même qu'on avait connu sous l'épais déguisement de la créature de Frankenstein, entre autres. Et on ramène à l'écran une sauce de mummy qui est tellement douteuse. Qui est à des années-lumière de ce qui est le classique. Et moi, j'avais en tête, je me suis dit, ben oui, enfin, c'est le fun, c'est le studio créateur des originaux, on va sûrement nous permettre de voir quelque chose qui va avoir une essence directe avec les films de ces belles années. Pas du tout. C'est clownesque, c'est décousu, ça n'a aucun rapport. La momie est une momie, et puis finalement, ben quand elle revient complètement, elle se régénère et qu'elle revient à la vie, ben écoutez, c'est une playmate là. Moi, personnellement, une momie puis une playmate, c'est deux choses complètement différentes là. Ça a aucun rapport dans un film d'horreur, donc j'ai trouvé ça très mauvais. Et je crois ne pas avoir été le seul à trouver ça très mauvais parce que les critiques ils l'ont labouré aller-retour ce film, ses recettes totales. Ont fait à peine les dépenses de la production et les recettes mondiales, doit-on dire, là, parce que c'était assez minable, finalement, au niveau des entrées. Et ça m'a admirablement déçu de voir que cette maison mère reprenait des titres classiques et le faisait de façon aussi cabochonne. Le prochain à venir en 2018 est Bride of Frankenstein. Et j'espère vraiment que cette fois-ci ne se planteront pas parce que je crois qu'ils viennent de mettre le clou final dans leur cercueil, sans mauvais jeu de mots. Côté série télévision, ben, il y a eu des trucs fort intéressants, fort bons. Il y en a eu des moyens aussi. Je vais m'attarder à ceux qui m'ont vraiment plu. Ben, bien sûr, la 5e saison de House of Cards que j'ai trouvé vraiment, vraiment très bonne, qui est une série dramatique, politique, bien entendu, qui met en vedette Kevin Spacey. Un Frank Underwood là, prêt à tout. Très bon. Je sais que certains l'ont moins aimé pour X raisons parce que on a peut-être comparé avec les événements réels qu'on a à la Maison Blanche qui sont, oui, effectivement, très farfelus et parfois fort surprenants, mais faut pas perdre de vue que c'est de la fiction et c'est du divertissement au départ, donc on ne pouvait peut-être pas nécessairement faire le copier-coller de la réalité de la politique américaine. Autre truc que j'ai beaucoup aimé, c'est Better Call Saul, la saison 3, qui se veut le une espèce de spin-off, si on veut, de Walter Breaking Bad, mais qui axe vraiment sur cet avocat très particulier qui est Saul Goodman, de son nom d'artiste, pour ainsi dire. La saison 3 est vraiment excellente. Autre chose que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est la 3e saison de Gotham, qui se veut une série d'action, connotation criminelle et fantastique, et bien sûr, ben, on a les personnages qu'on retrouve de plus en plus au niveau des fils des saisons de DC Comics, avec Bruce Wayne, le commissaire, ben, en devenir commissaire Gordon, Catwoman, le Pingouin, le Joker qui s'en vient tranquillement, pas vite, bon, ainsi de suite, mais c'est vraiment, vraiment très, très bon. C'est 23 épisodes total, ce qui peut paraître long pour ceux qui sont habitués à écouter des séries de 13 épisodes, là, généralement, c'est autour de ça, mais pas du tout, ça passe très, très vite, j'ai consommé assez rapidement, d'ailleurs, j'ai vraiment hâte à la 4e saison parce qu'on nous met l'eau à la bouche systématiquement. Et là, je vais y aller avec probablement deux des séries que j'ai préférées dans les dernières semaines, derniers mois. Je parle de la première saison de Taboo, qui est un thriller, un dramatique thriller, ou si vous préférez, suspense, qui est une création de Chip et Tom Hardy, dont le père et le fils, dont Tom Hardy interprète le rôle principal dans cette poisseuse série dégoulinante de crasse, dois-je dire, qui se passe dans les débuts 1800 en Angleterre, alors que le mot hygiène n'était pas encore à la mode, il n'est probablement même pas créé encore. c'est vraiment très très bon, c'est une série qui est absolument intelligente, qui nous déroute littéralement par son mystère et qui en même temps se dévoile un peu au fur et à mesure de façon, je dirais, très, non pas spectaculaire, mais fort intelligente, un peu comme peut le faire, je dirais, comparatif et peut-être étrange, mais Quentin Tarantino nous habitue à nous dérouter pour nous amener chronologiquement plus tard dans un dénouement. Ben, c'est un peu le même principe, mais avec un peu moins d'action, bien entendu. Mais c'est très, très psychologique, il faut le savoir. C'est pas une série d'action, mais c'est vraiment excellent. Tabou, première saison, je vous conseille vivement si vous aimez les choses un peu plus cérébrales. Et mon coup de cœur de l'été a été définitivement pour la 7e et courte saison de Game of Thrones. Série qui s'il en est une, est la plus originale de tous, je crois. La plus captivante probablement aussi et une des mieux réalisées. Souci du détail incroyable. Cette 7e saison était pour moi très soulageante, je dois dire, parce que il y avait certaines attentes que j'avais par rapport à la 6e et ce sont à peu près tous concrétisés jusqu'à maintenant. Un petit bémol, par contre, sur Game of Thrones, et ce n'est pas au niveau de la production, de la réalisation ou des épisodes en eux-mêmes, c'est plutôt le fait que il y a 13 épisodes par saison et que pour faire simplement un gros coup d'argent, on nous l'a divisé en deux. Et ça, je trouve que c'est une insulte auprès des fans, ceux qui font vivre ces réalisateurs-là, ces producteurs-là, ces acteurs-là aussi, à quelque part, d'une certaine façon, en consommant cette télévision-là, soit par abonnement de chaînes spécialisées comme HBO, en achetant carrément les coffrets ou ainsi de suite. Je pense que on aurait pu conclure ça vraiment en faisant une 7e avec 13 épisodes et dire « Bonsoir, c'est terminé, on clôt le livre ainsi. » Mais non, on a voulu nous faire étirer ça pour une période qui est encore plus outrageante, qui va friser les 2 ans avant qu'on puisse avoir le dénouement de cette 8e et très courte de 6 épisodes saison. Quoi qu'il en soit, c'est excellent. Voilà. J'ai pas mis grand coup de marteau sur cette table ce soir, donc j'ai respecté un peu mon plan de match. On va poursuivre cette fois-ci avec un autre bloc de 4 pièces qui sont parues entre le 23 juin et le 15 juillet 1973. Ben non, 2017. On va débuter tout de suite avec la formation américaine Gold Horror qui nous présentait leur 7e album le 23 juin. On va poursuivre ça avec formation Brutal Death Metal Origin, formation américaine et leur 7e album également. Un de mes coups de cœur de l'année, de l'été et de l'année certainement, les Polonais Decapitated avec également leur 7e album. Et on va conclure ce bloc avec Planet Eater, une formation que j'ai découvert, une formation canadienne de Saskatchewan dans le death metal que j'ai trouvé assez originale. Donc allons-y immédiatement avec Gold Horror. Let's go! We'll be right back. This is Luke. And this is Troy from Planet Eater. And you're listening to CFOU 89.1 FM. Reanimation of Dr. Pendragon. Isn't it with? With Dr. Pendragon. Fucking bloody! Vous êtes assez fou. 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Du lundi au jeudi, Mathieu Plante, Tania Baudin et leurs collaborateurs sortent l'artillerie lourde. Médecine, sport, sciences, musique, vocabulaire, politique, discussion. Actualité, connaissances générales, gadgets, malbouffe, improvisation. Assemblage requis, c'est une émission pas mal béton. Assemblage requis, du lundi au jeudi, en direct de 7h à 10h. Assemblage requis. Le 12 septembre prochain, voyez Sunrise and Good People ainsi que Orange O'Clock au Mardi Live du Gambrinus. Sunrise and Good People, c'est un puissant trio d'amis d'enfance qui nous fera vivre une soirée rock, tribale et électronique. Et puis, avec de fortes influences rock britanniques, le son unique de Orange O'Clock rallie les sons des trois dernières générations avec une touche de modernité bien à eux. Pour une soirée tout en musique, c'est le 12 septembre dès 21h. L'entrée est au coût de 8$ avec consommation gratuite et tout ça au Gambrinus de Trois-Rivières. Pour tous les détails, visitez gambrinus.qc.ca ou la page Facebook du Gambrinus. Tu veux une bourse? On l'a! Ta fondation et d'autres organismes t'offrent tout au long de l'année des bourses d'excellence, des bourses d'implication, de recherche, de soutien financier et plusieurs autres. Plus d'une centaine de concours de la Fondation de l'UQTR sont présentement affichés. N'hésite pas à poser ta candidature à tous les concours où tu es admissible. Fais vite! Tu as jusqu'au 30 septembre pour participer. Pour plus d'informations, viens nous rencontrer au service aux étudiants, local 1260 Albert-Tessier ou visite le uqtr.ca/bourse au pluriel. N'oublie pas que pour gagner, il faut participer. Vous êtes assez fou. 89.1, Trois-Rivières. Vous êtes assez fou. À Trois-Rivières, c'est 89.1. Et vous êtes à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show pour encore 41 minutes ou 40 minutes 30 secondes ou 29, 28, ainsi de suite. Avant cette pause publicitaire, on a entendu les Canadiens de Regina, ça c'est en Saskatchewan, le quintet Planet Eater et une pièce tirée de leur premier album Blackness from the Star qui est paru le 15 juillet dernier de façon indépendante. Oui, ils ont eu l'amabilité de faire une identification pour réanimation. C'est vraiment cool de leur part. C'est paru de façon, comme j'ai dit, indépendante et digitale. 9 pièces se retrouvent sur cet album Blackness from the Star. Et honnêtement, en frais de groupe metal, qui donne dans le death metal avec une petite connotation trash, je dois dire que ce groupe canadien a compris pas mal c'était quoi la bonne recette pour faire ce genre de musique. J'ai trouvé que ça sonnait très professionnel, que c'était aussi original ce qu'il faisait. La façon de composer, la façon de plaquer les accords est très intéressante. Donc, certainement que Planet Eater fera partie de la rétrospective de 2017. Juste avant, nous avions... Oui, Horace, Decapitated! Excellente formation, les Polonais Decapitated, qui en étaient à leur 7e album, paru le 7 juillet dernier sur Nuclear Blast, Anti-Cult, et la très bonne pièce Earth Scar. Decapitated, c'est simple, hein, c'est une de mes formations métal préférées. Je les aime depuis que je les ai découverts... je pense que c'est en 2000 ou 2002, je me rappelle plus, j'avais eu le loisir de les voir ici dans la région de Trois-Rivières, grâce à Trois-Rivières Metal, j'avais été vraiment enchanté de voir ce groupe qui aujourd'hui est un petit peu métamorphosé du fait que bon, le batteur a été remplacé, évidemment le batteur original est décédé d'un accident bête, ils ont changé le vocaliste pour Rafat Piotrowski qui est là depuis 2009 et qui fait un très bon travail. Ce qu'il faut savoir bien sûr avec Decapitated, c'est que à l'origine c'était du technical death metal, maintenant c'est du death groove metal et je pense que ça leur va très bien ce nouveau style qui balance à notre tronche de façon assez évidente. Donc, définitivement, avec Epitheta fera partie de mon top 10 de 2017, c'est évident. Juste avant, nous avions formation américaine, Origin, formation qui vient du Kansas, originellement maintenant de New York, formation qui donne, eux, dans un technical death metal. Origin avec leur 7e album, Unparalleled Universe, paru le 30 juin sur Agonia Records. La pièce étant Invariance Under Transformation. Ben, j'aime bien, moi, généralement, ce que font Origin. J'avais beaucoup aimé l'album Antithesis, Entity aussi. Omnipresent, un petit peu moins. Et Unparalleled Universe, ben, c'est à peu près comme Omnipresent. Je le trouve correct, mais c'est pas mon meilleur et c'est pas celui qui m'a accroché le plus dans la discographie, quand même relativement courte, de six albums, c'est ça, sept albums, voilà. Decapitated. Donc, mais c'est fort correct, là, je dois le dire, là. Mais j'ai préféré, j'ai dit Decapitated, c'est Origin, et j'ai préféré Decapitated. On est ouvert avec les Américains de Gold Horror, formation qui nous vient directement de Nouvelle-Orléans, qui donne dans un Black Death Trash Metal. Heureux amalgames de tout cela, une formation qui existe depuis quand même 97, c'est pas beaucoup cet album pour une formation qui existe depuis quand même 20 ans, c'est pas beaucoup, mais comme je le disais un peu plus tôt dans l'émission, ça ne semble pas toujours être évident faire paraître des albums. Ce 7e album porte le nom de Vengeful Ascension, qui est paru le 23 juin sur Metal Blade, quand même pas n'importe quelle étiquette. Et la pièce étant Under the Flesh, Into the Soul. C'est un album auquel j'ai accordé un intérêt assez certain et une bonne note lorsque je l'avais chroniqué sur le site de réanimation. Ben, sa sortie, je pense que c'était le lendemain ou quelque chose du genre, là. Une note correcte, là. Je crois que c'était un 7 ou un 7,5 sur 10 que je lui avais donné. On va poursuivre cette fois-ci avec une formation qui nous vient d'Allemagne. Formation qui porte le nom de Cytotoxin, que j'ai découvert au courant vers la fin juillet, leur 3e album. On va y aller aussi avec une formation britannique, Abhorrent Decimation, ainsi que Incantation, formation death metal reconnue du mouvement death américain, ainsi qu'une formation islandaise que j'ai beaucoup appréciée qui s'appelle Beneath. Mais tout de suite, allons-y avec Cytotoxin, pardon, et la pièce Chernopolis. Go! C'est fou. Vous êtes assez fou. Comme un compliment. Le Mathieu Plante Show vous comprend. Suivez la chronique télévisuelle Television Television, le blog Science et Technologie Merci Science, le segment Geek CNX, sans oublier la rubrique Jeux vidéo d'un gamer à un autre avec Samuel Girard. L'émission de la fierté geek, c'est le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, tous les mercredis de 15h à 17h. Du lundi au jeudi, Mathieu Plante, Tania Baudin et leurs collaborateurs sortent l'artillerie lourde. Médecine, sport, sciences, musique, vocabulaire, politique, discussion. Actualité, connaissances générales, gadgets, malbouffe, improvisation. Assemblage requis, c'est une émission pas mal béton. Assemblage requis, du lundi au jeudi, en direct de 7h à 10h. Assemblage requis, aujourd'hui. Partenaire de la radio Sifu 89.1 FM, la microbrasserie Le Trou du Diable de Shawinigan offre une cuisine bistrot inspirée du marché. Tu es à la recherche d'une terrasse ensoleillée avec vue sur la rivière Saint-Maurice? Pour connaître les menus de bouffe et de bière, visite letroududiable.com. Le Trou du Diable, c'est de la vraie bière, de la vraie bouffe et des vrais amis. Sifu 89.1 FM. FM. h 48, l'émission s'achève. Avant la pause publicitaire, on a entendu la formation islandaise Beneath et la pièce Cities of the Holder Reaches tirée de leur troisième album paru le 18 août, soit Ephemeris sur Unique Leader. Bon album. Incantation, juste avant, formation américaine qui, je crois, n'est plus vraiment présentée, formation qui vient de Pennsylvanie. Et la pièce The Horns of Gaffrin, tirée de leur 11e album, Profound Nexus, qui est paru le 11 août sur Relapse. Aberrant Decimation, formation britannique, et la pièce Heretic Sacrifice, tirée de leur 2e album, The Pardoner, qui est paru le 28 juillet sur Prosthetic. C'est probablement ce que j'ai trouvé de moins fort dans ce que j'ai retenu pour ce survol ce soir. Et nous avons ouvert ce bloc avec la formation allemande Cytotoxin et la pièce Chernopolis tirée de Gammageddon, le troisième album paru le 21 juillet sur Unique Leader également. Petite étiquette qui commence à avoir du bon stock. Bonne formation, Cytotoxin. Je vous rappelle que ce vendredi, dès 11h ici même à Sifu 89.1 FM, c'est l'émission Rock Classique pour les vrais amateurs de vrai rock. Cette semaine, Rockmaster fera cavalier seul, je n'y serai pas, et il vous présentera le traditionnel 3 pour 1. Aussi, je vous incite à tous les vendredis à écouter notre ami DJ Tower of Death et sa subversive subversion, qui, je sais pas si c'est revenu sur Underground Québec, mais vous pouvez avoir les balados de diffusion au podcast sur SoundCloud, et des fois même le soir même. Ainsi que le site hurlemort.com de notre ami Sinistros et ses chroniques qui sont dégoulinantes de toutes sortes de choses, principalement au niveau de l'art visuel et auditif. À peine le temps de vous laisser, probablement, j'aurais aimé vous passer les trois dernières pièces, dont Cannabis Corpse, qui est paru le 8 septembre, ce soir vendredi dernier, et leur dernier album, Left and Pass. Mais si ce n'est pas le cas, je vais me reprendre la semaine prochaine, avec un spécial la semaine prochaine, qui sera pratiquement consacré uniquement à l'année 2000. Mais je vous laisse avec deux pièces, soit du très, très, très bon album, dernier album des Grecs de Septic Flesh, soit Codex Omega, qui est paru le 1er septembre, leur 10e, et la pièce Dark Art, ainsi qu'à l'instant une pièce des Britanniques de Paradise Lost, et l'album Medusa, le 11e, paru le 1er septembre également sur Nuclear Blast, soit Gods of the Ancient. Je crois que les gens de Matière Noire seront présents à 21h. Je serai de retour la semaine prochaine, mardi dès 19h, pour une autre édition de réanimation spéciale 2000. D'ici là, allez tous vous faire foutre. See you! this is Seth from Septic Flares. You are listening to Reanimation, the Undead Incorporated show on CFOU 89.1 FM.